BR Métal, avec 4 divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture Industrielle, est une entreprise en pleine expansion avec plus de 45 employés. Pour nous, la jeunesse et l'économie nous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être partenaires de la chronique du président du hockey mineur David Lamontagne. BR Métal, 353 Gustave Dessuroy d'Olbeau-Mistassini, 418-276-5888. Les employés et la direction de BR Métal souhaitent une bonne saison à tous les hockeyeurs et les équipes de Olbeau-Mistassini. On va parler des Sabres de Roberval avec notre ami Guillaume Gay avec une journée de retard. Salut Guillaume! Salut Danny! On rappelle évidemment que cette chronique est commanditée par les autobus Perrault. Guillaume, en fin de semaine, défaite de 5-0. Ouais, défaite de 5-0 contre les Marquis, là. On a joué quand même un bon match. Sauf qu'on dirait qu'on a peut-être manqué de jus, là, pour à partir de la deuxième période. Après une période, on suivait le rythme, ça allait bien. C'était 0-0. Puis à partir de la deuxième, là, ça a commencé à être plus dur un petit peu, là. Disons qu'on a manqué un petit peu d'intensité. OK, OK. Puis évidemment, puis les Sabres, c'est vraiment une puissance, là. Ouais, les Marquis, oui, une bonne équipe. Ah, les Marquis, excuse-moi, j'ai dit ça, mais c'est les Marquis, oui. Donc, ils ont eu un mauvais début de saison, mais par la suite, ça s'est bien positionné, là. Oui, ils se sont bien replacés, sauf qu'on continue de croire que c'est toujours une équipe qu'on est capable de vaincre, et qu'on a joué des bons matchs cette saison contre eux autres, d'autres que ça a moins bien été. Il s'agit d'être peut-être plus constant là, dans nos performances face à eux. C'est la seule équipe qu'on n'a pas battue cette saison encore. Il nous reste seulement qu'une fois à les affronter, par exemple, au mois de février. Fait qu'on va être un petit bout sans les voir. On va pouvoir travailler certaines choses sur ce temps-là. Puis arriver au dernier match contre eux, là, fin prêt pour finalement, moi j'y crois, là, finalement les battre au moins une fois là, pour arriver après ça, si on les affronte en série, là, pour avoir un petit peu de confiance face à eux. OK, OK. Puis justement, ça joue dans le momentum, ça joue dans le mental, là. Ah, c'est sûr que ça joue dans le mental un petit peu, là. C'est quand tu sais que c'est l'équipe, la seule équipe que tu n'as pas battue encore, puis qu'on est arrivé avec une équipe complète, là. On était à 19 joueurs, là, samedi. Ouais. On a bien joué, sauf que ça ne veut pas virer pour nous autres, là. Il s'agit de travailler plus fort, puis on a certains points à travailler, là, qu'on va mettre sur l'enfance beaucoup, là. Notre dernière rencontre contre eux. OK. Là, c'est toi, Junior, la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine que ça débute, ça? Oui, en fin de semaine, ça commence demain, mais pour nous, ça commence vendredi. OK. Comment tu vois ça? C'est un bon test, là. Disons que c'est un tournoi, là, que 6 équipes, là, les 5 équipes de la Ligue avec une équipe d'extérieur. Moi, je le vois comme savoir la progression de nos joueurs, là, depuis le début de l'année, la progression de l'équipe, comment ça va. Je le vois un petit peu comme un tournoi de ligue, là. On se raffronte tous dans une fin de semaine. Fait que ça sera la dernière, la meilleure qui gagnera. Puis comme je te dis, là, moi je pense que ça peut être extrêmement bon pour nous, là. On devra affronter pas mal toutes les équipes de la ligue. Fait que avec un bon enjeu, là, au bout de la ligne. Fait que je crois que. Je pense qu'on peut faire très bonne figure, puis notre objectif d'équipe, c'est de se rendre au dimanche soir, là, OK, puis dis-moi, c'est plate quand même, il n'y a qu'une équipe? Ouais, avec une équipe de l'extérieur. Ouais. Donc, dans les dernières années, le tournoi, c'est plus difficile un petit peu. L'année passée, je crois on était 12 équipes quand même, mais il y en avait 5-6 de l'extérieur, là, cette saison, je ne sais pas pour quelle raison. Sauf que c'est ça. C'est sûr que c'est plus plate un peu. Il y a des équipes que ça les dérange un peu plus. Sauf que il faut faire partie du tournoi. Puis c'est comme si que ça serait un tournoi provincial quand même. Puis il va falloir travailler fort pour ça. OK. Ben, on s'en reparle. On s'en reparle de quoi? Mardi ou mercredi prochain, Guillaume? Ouais, mardi, il n'aura pas de problème. OK, donc voilà, donc c'était l'instructeur-chef des Sabres de Roberval, Guillaume Gay.